fonce, fonce, fonce, tu ne regretteras pas. Fonce, fonce, fonce, si tu n'aurais pas peur, tu arriverais au bout de tes rêves. Tu dois comprendre que dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Mais on peut toujours essayer, et c'est ça que je veux te faire comprendre. Fonce, fonce, fonce, tu ne regretteras pas. Fonce, fonce, fonce, si tu n'aurais pas peur, tu arriverais au bout de tes rêves. Ton rêve, c'est la seule chose qui compte. C'est ton but, comme chaque début. Il faut arriver à le réaliser. Mais pour ça, tu dois foncer. Yeah. Fonce, fonce, fonce, tu ne regretteras pas. Fonce, fonce, fonce, si tu n'aurais pas peur, tu arriverais au bout de tes rêves. Wow. Oh. Peut-être en train de se réaliser, mais il n'est pas complètement réalisé. Mais pour y arriver, je dois faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est la chose la plus importante. Et c'est fonce, fonce, fonce, tu ne le regretteras pas. Fonce, fonce, fonce, tu ne le regretteras pas. Fonce, fonce, fonce, si tu n'aurais pas peur, tu arriverais au bout de tes rêves. De tes rêves. De tes rêves.